Je monte le son. Ne manquez pas le rendez-vous. Oh oui, les filles lutins ont prévu de venir chez nous. Elles sont top, elles sont belles, gentilles comme des hirondelles. Regardez mes jolies, voici votre lutin chéri. Elles sont plop, elles sont belles, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour elles. Venez les filles lutins, n'attendez plus, on n'en peut plus. Je fais des bons, car mon cœur trouve le temps trop long. Oh, nous avons un rendez-vous. Oh oui, les filles lutins ont prévu de venir chez nous. Elles sont top, elles sont belles, gentilles comme des hirondelles. Oh, regardez mes jolies, voici votre lutin chéri. Elles sont plop, elles sont belles, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour elles. Venez les filles lutins, n'attendez plus, on n'en peut plus. Voilà les filles lutins qui s'amènent. Plopeur de plopeur de plop. Et Pipolo et Pipola, regardez qui est là. Oh, salut les filles lutins, entrez donc dans mon champignon. Oh, et qu'est-ce qu'on va faire dans ton champignon? Bah tiens, faire la fête évidemment. Faire la fête, dors debout et dors partout. Rien que d'y penser, ça m'épuise. Elles sont top, elles sont belles, gentilles comme des hirondelles. Regardez mes jolies, voici votre lutin chéri. Elles sont plop, elles sont belles, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour elles. Venez les filles lutins, n'attendez plus, on n'en peut plus.